Radio Boncon. En ces temps difficiles, le Boncon a besoin de s'exprimer. C'est pourquoi Radio Boncon présente La Bonne Chronique. La Bonne Chronique. Un espace d'expression pour le Boncon qui le souhaite. La Bonne Chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la Cuisaison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Tata Lolo. Oui, la Bonne Chronique. C'est salut, Orion. C'est toujours la déglingue. La Bonne Chronique. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup. Et je voulais vous parler un peu de sa vie. Parce que vous le connaissez tous, mais vous connaissez peut-être pas forcément son parcours, qui est assez intéressant et que je pense qui a sa place sur cette radio. Alors Christophe Maé, de son vrai nom Christophe Martichon, est un auteur-compositeur-interprète français, né le 16 octobre 1975 à Carpentras, dans le Vaucluse. Adolescent, il est passionné de tennis et de ski, mais il doit abandonner le sport suite à une polyarthrite chronique qui l'immobilise à l'âge de 16 ans. C'est là qu'il découvre la musique de Stevie Wonder, qui lui donne envie notamment d'apprendre l'harmonica. Il découvre aussi à la même période Bob Marley, right, auquel il adressera plus tard une chanson Mon Père Spirituel, dans son premier album Mon Paradis, sorti en 2007. Et c'est donc à cette époque, l'époque où il est paralysé, qu'il en profite pour apprendre à jouer de la guitare. Alors à l'origine de sa vie professionnelle, Christophe Maé est pâtissier. Il a un CAP pâtisserie d'ailleurs et fait ses premiers pas dans la boulangerie de ses parents à Carpentras avant d'abandonner cette carrière familiale. Il faut savoir que c'est son père qui l'avait fortement encouragé à poursuivre une carrière de pâtissier au cas où sa carrière d'artiste ne fonctionne pas. Et donc on sait tous que cela n'a pas été le cas pour Christophe Maé. Non. Alors jusqu'à l'âge de 30 ans, il se produit dans des bars de stations balnéaires et de sports d'hiver, où participe à divers galas dans un style reggae, soul, blues. Il fait également on ne le sait pas assez, il fait les premières parties de Cher ou encore Jonathan Cerrada. Il fait la manche aussi, il faut savoir que Christophe Maé a fait la manche pendant un petit moment, donc si vous écoutez cette chronique et que vous faites la manche, ne vous inquiétez pas, peut-être que Dovatia croisera votre route. Non. Alors en 2003, il interprète la chanson Back to Burnsville. Dans le film Mais qui a tué Pamela Rose de Cad et Olivier. Donc je vous invite tous à re-regarder ce film et à trouver le moment où vous entendrez la douce voix de Christophe Maé. Et d'ailleurs en 2003 il n'était pas encore connu, donc c'est assez intéressant si vous voulez revenir un peu en arrière. Ensuite, on arrive à 2005, donc l'année de la révélation, bien sûr. Il est repéré par Olivier Schultez, qui le présentera à Dovatia. Ça va cartonner. Et ce dernier lui proposera en 2005 donc de se présenter au casting de la comédie musicale Le Roi Soleil, où il sera engagé pour jouer le frère du roi. Donc le roi interprété par Emmanuel Moir, vous le savez tous. Et grâce au succès de la comédie musicale, il fera plusieurs rencontres fortuites, comme Zazie, qui lui écrira une chanson pour son futur album solo Mon Paradis. Donc comme je le disais tout à l'heure. Mais donc le succès de la tournée du Roi Soleil l'empêchera de mener à bien ses projets personnels, mais il aura quand même le Energy Music Award de la révélation de l'année 2006, donc ce n'est pas rien. Non. Ensuite, 19 mars 2007, donc c'est la sortie de son premier album Mon Paradis. Mon Paradis, en référence à la Corse. Album qui deviendra d'ailleurs disque de diamant avec 1 600 000 ventes. Donc cet album est bien sûr porté par des succès comme On s'attache. Parce qu'on sait jamais. Belle demoiselle. Ou encore Ça fait mal. Papa. Et donc là, il commence à faire sa première tournée en solo, donc dans des petites salles en France, comme La Carrière, par exemple, à Nantes, où j'ai pu assister à son premier concert nantais. Et donc voilà, cette tournée affiche très vite complet et est suivie immédiatement d'une seconde tournée en 2008, dans les Zéniths cette fois-ci. Il fera d'ailleurs deux Zéniths de Nantes le même mois, le 11 avril 2008 et le 29 avril 2008. Donc je peux vous dire que j'étais aux deux concerts et c'était quelque chose, hein, c'était extraordinaire. Donc vous ne serez pas étonnés, hein, si je vous dis que c'est en 2008 également qu'il intègre la troupe des Enfoirés. Il remporte un autre Energy Music Award de l'artiste masculin et de la chanson de l'année pour On s'attache. On s'attache. Ainsi que, et alors là, je ne sais pas si vous êtes au courant, il reçoit une victoire de la musique de la révélation publique. Non, non, non, non, non, non. Ensuite, alors... Il sera également parrain de la Star Academy 8. Il publie un album acoustique qui s'appelle « Comme à la maison », qui a été tourné sur une plage de Corse qui s'appelle Santa Giulia. Santa Giulia. Il écrit des titres pour Johnny Hallyday, Rock'n'Roll, dont il assure également la première partie. Et puis en 2019, il remporte encore le Energy Music Award de la chanson de l'année pour Belle Demoiselle cette fois-ci. Belle Demoiselle. Ensuite, une petite pause, hein, le temps d'écrire un nouvel album qui s'appelle On trace la route. On trace la route. Qu'il publie le 22 mars 2010. Avec bien sûr le titre que vous connaissez tous, Ding Ding Ding Ding. Et puis bien sûr des concerts, deux Olympias. Christophe Maé fait partie de ces grands artistes qui sont passés par cette salle mythique. Date importante, hein, à retenir bien sûr si vous voulez briller en société. Le 23 janvier 2011, il est décoré de l'insigne de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Ensuite, 2013, on aura l'album Je veux du bonheur. Je veux du bonheur. Et puis en 2016, l'album La Trappe Rêve. Alors, je vais passer un peu sur ces albums parce qu'ils sont un peu nuls, mais on peut quand même citer Tomber sous le charme, bien sûr. Tomber sous le charme. Il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ? Et puis La Parisienne, par exemple. Hippie chic. Voilà, comme ça j'en ai cité trois. Vous pourrez aller les écouter si vous voulez. Moi je vous les conseille pas, hein, je reste sur Mon Paradis. Mon Paradis. Et On trace la route. On trace la route. Puis ensuite il y a donc cette année, enfin en 2019, il sort son cinquième album après 3 ans de pause médiatique et musicale. Parce qu'il faut savoir qu'il a eu 2 enfants entre temps, Marcel et Jules. Et donc voilà, il a pris du temps pour sa famille. Donc cet album La Vie d'Artiste, La Vie d'Artiste, c'est porté par les singles Les gens. Et Casting, Que je suis le plus beau, par exemple, à écouter bien sûr sans modération, j'ai envie de dire. Non, non, non, non, non, non. Voilà pour ce qui est un petit peu la carrière de Christophe Maé. Après, quelques mots sur sa vie personnelle. Bien sûr, c'est pas le sujet, hein, de la chronique. Christophe Maé, c'est un artiste avant tout, mais c'est également un homme, bien sûr. Et il est marié depuis quelques années avec Nadège Saron, qui est danseuse. Et comme je le disais précédemment, il a 2 fils. Jules, né le 11 mars 2008, et Marcel, né le 16 août 2013. Voilà, ils se sont mariés le 29 juin 2017 en Corse du Sud, à la mairie de Porto Vecchio, et maintenant ils habitent à Aix en Provence. Voilà. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette chronique intéressante. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions concernant Christophe Maé, je serai très très très heureuse de vous répondre. Merci beaucoup.